بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فنواصل بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرات في مراحل الآخرة. On continue ensemble cette série de cours sur les étapes de l'au-delà, مراحل الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وفي درسنا الأخير, dans notre dernier درس أي de cette série, أخذنا معكم ما يتعلق بالصراط أي المرور عليه. فبعد المرور على الصراط ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. Donc après le passage sur le sirat, وتقدم معنا أن ceux qui traverseront الصراط c'est المؤمنون فقط. Donc après الصراط فالمؤمنون يدخلون الجنة و أهل النار يدخلون النار وكذلك يدخل بعض المؤمنين الموحدين النار بسبب ذنوبهم وظلمهم لأنفسهم. Certains مؤمنون certains croyants ils entreront عيادا بالله النار à cause de leurs péchés. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. Ça c'est حال, ça c'est la situation de ceux qui traverseront As-Sirat, le pont. فناج مسلم, certains y traverseront. وَنَاجٍ مَخْدُوشٍ, certains كذلك y traverseront, lakin avec des difficultés. وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ, et certains, عِيَدًا بِاللَّهِ, y tomberont dans le feu de l'enfer. هؤلاء, ils font partie de المؤمنون, des croyants, المؤحدون, lakin à cause de leur péché, ils rentreront un moment في النار. قال عليه الصلاة والسلام حتى يمر آخرهم يسحب سحبا, أي حتى une des dernières personnes qui traversera As-Sirat, cette personne وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن elle aura beaucoup de mal à traverser. قال عليه الصلاة والسلام يسحب سحبا حتى il sera tiré pour pouvoir finir. قال فما أنتم بأشد لمناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا. Quand les croyants ils auront fini la traversée de هذا الصراط, quand ils auront fini la traversée de ce pont, ils diront ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا, أي les croyants ils penseront à leurs frères, à certains de leurs frères qui n'ont pas réussi à traverser هذا الصراط et qui sont tombés في النار. يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا, أي هؤلاء المؤمنون qui faisaient الصلاة, qui faisaient الصيام, qui faisaient certaines œuvres, leurs frères y penseront à eux. ويقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. الله سبحانه وتعالى يدنغ l'autorisation à هؤلاء المؤمنون, à ces croyants, de faire الشفاعة, أي de faire sortir leurs frères من النار, du feu. قال ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه. أي يتخوفون certains de leurs frères والنار قد بلغت إلى ila qadam ha'ula. Le feu, il a atteint le niveau de leurs pieds. Wa ila ansaf saqay. Et jusqu'à la moitié de leur tibia. Fayukhrijuna man 'arafu thumma ya'udun. Ils sortiront certains de leurs frères qu'ils connaissaient min al-nar et ils reviendront. فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من ايمان فاخرجوه. هذا كما تقدم معنا ان الله سبحانه وتعالى il autorisera هؤلاء à faire shafa'a, et de faire sortir هؤلاء العصاة الذين ظلموا انفسهم, parmi les croyants, ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes avec des péchés, avec des ma'asi, dhunub. Allah subhanahu wa ta'ala, il autorisera ha'oula de les faire sortir. Min al-nar. Qala, thumma ya'udun fayaqul, idhhabu, une deuxième fois. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar, fa'akhrijuh, ay min al-iman. Faites sortir une deuxième catégorie de personnes qui ont encore moins d'iman. Faites-les sortir. Ça nous montre fadl al-iman, wa fadl al-tawhid. Ça reste des croyants malgré leurs péchés. Cette croyance, hadal iman, il leur sera utile ce jour, yawm al-qiyam. Bien sûr, ba'da fadlillah wa rahmatihi azza wa jal. Qala fayukhrijuna man 'arafu. Ils feront sortir un deuxième groupe. Thumma ya'udun fayaqul, troisième fois. Idhhabu. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا. Troisième fois, ils retourneront vers le nar pour faire sortir un autre groupe de croyants. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أي راوي الحديث فإن لم تصدقوني فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيشفعوا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. يوم القيامة les prophètes feront الشفاعة, l'intercession, والملائكة والمؤمنون أيضا. Donc الشفاعة c'est pas réservé que pour les prophètes. Là, il y a une catégorie qui est réservée qu'à notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. أما هذه الشفاعة, et pour faire sortir certains mu'mins min an-nar, certains mu'minun min an-nar, hadihi كذلك le croyant il pourra la faire bi idnillah azza wa jalla. Fa yaqul al-jabbar ay Allah subhanahu wa ta'ala, après que an-nabiyun les prophètes wa al-mala'ika wal mu'minun ils auront fait tous ce shafa'a, les anges, les croyants, les prophètes. فيقول الله سبحانه وتعالى بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي بسبب النار أي أحرقتهم النار. الله سبحانه وتعالى il fera sortir un groupe من النار, أي après l'intercession des croyants, des anges et des prophètes. فالله سبحانه وتعالى il dira بقيت شفاعتي, il manquera encore la shafa'a d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fera sortir ha'oula min an-nar. Fayulqawna fi nahrin bi afwahi al-jannah yuqalu lahu ma'ul haya. Thumma ha'oula ils seront trempés fi hadha an-nahr, dans ce fleuve. Qala fayanbutuna fi hafatay kama tanbutu al-jannatu fi hamil as-sayl. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة. هذا مثال du prophète عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ils pousseront comme un nabat, comme les graines elles poussent après avoir été arrosées. فهكذا هؤلاء ils repousseront, ils revivront كالنبات بإذن الله عز وجل, après avoir été trempés dans cette eau. قال عليه الصلاة والسلام فما كان أو نختصر قال وما نعم قال فيخرجون أي هؤلاء ceux qui étaient في النار ils sortiront كأنهم اللؤلؤ. اللؤلؤ c'est des perles. قال فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه فضل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء qui se sont fait juste injustice, se sont fait du tort à eux-mêmes fait dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, il les fera sortir de l'an-nar et rentreront fil jannah et ils auront une récompense énorme. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء. Dans cette riwaya, أنهم يسخرون من النار. Bien sûr, هؤلاء المؤمنون الموحدون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله. هؤلاء, malgré leur péché, malgré leur déviation, ça reste des croyants. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل. في هذه الرواية أهل الجنة يلنصرون دلو sur Haoula, hatta ils repousseront comme les graines elles poussent après avoir été arrosées. Qala wa yadhhabu huraqu, ay leurs brûlures elles disparaîtront. Thumma yas'alu, ay hadha al-mu'min hatta tuj'al lahu ad-dunya wa 'ashratu amthaliha ma'aha. Al-hadith هذا اللي في صحيح مسلم. Et ce croyant il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala, فالله سبحانه وتعالى il lui donnera l'équivalent de dunya et 10 fois plus. فضل الله il est واسع. تستفيد من هذه الأحاديث أخي الكريم أن الشفاعة حق. L'intercession يوم القيامة c'est حق. Ça fait partie de la croyance des gens de la sunna. Comme ja'a fi aqidati ar-raziyayn, qala Abu Hatim wa Abu Zur'a ar-raziyan alayhim rahmatullah, wa ash-shafa'atu haqqun, wa anna nasan min ahli at-tawhid yakhrujuna bish-shafa'ati haqqun. Fala yajuz, on n'a pas le droit d'avoir des doutes, ayyadan billah, comme al-mubtadi'a, al-mu'tazila wal khawarij, ils ont eu fi hadha al-bab. فالأحاديث واضحة صحيحة فأنا la conviction ولله الحمد أن cette intercession c'est la vérité. كذلك نستفيد من هذه الأدلة أن أعظم سبب pour profiter de cette شفاعة c'est توحيد الله سبحانه وتعالى. Vous avez remarqué que في الحديث c'est toujours cité الإيمان et كذلك c'est cité من قال لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Donc ceux qui profiteront de cette shafa'a يوم القيامة c'est cette catégorie de personnes. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Et ça montre que l'insan il peut dire لا إله إلا الله et il est sincère et malgré cela il fait des péchés. Ne pas croire que celui qui fait des péchés, forcément, il n'est pas sincère. Là, il y a un insan, urdatun li dha'f wa zalal wa naqs, ha'oula qui profiteront de ash-shafa'a, malgré leurs péchés, ils sont morts ala at-tawhid. Fa'hada at-tawhid, ça sera la cause, بعد رحمه الله عز وجل وفضله, qu'ils seront sauvés, بإذن الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. Chaque prophète, il avait une da'wa exaucée. Tous les prophètes, ils ont fait ce dua, cette demande, cette invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, le meilleur des prophètes, le dernier des prophètes, il a gardé cette demande, ce dua qui est forcément exaucé pour Yawm al-Qiyam. Aïe, l'intercession pour sa communauté. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré via le hadith qui sait qui va pouvoir profiter de cette shafa'a. Qala fa hiya na'ilatun insha'Allah. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هؤلاء c'est eux qui profiteront de cette shafa'a. Et ceux qui sont morts à la tawhid ولا يشركون بالله شيئا. هنا فائدة عظيمة أن هذا الحديث avec le hadith précédent أي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه الحقيقة ستدن l'explication de Tawhid al-Anbiya et de ma'na la ilaha illallah. Aïe, qawl la ilaha illallah, ça ne suffit pas wahda. Bal labud min qawl la ilaha illallah avec les shurut. Et parmi ces shurut al-ikhlas, man qawl la ilaha illallah khalisan min qalbih, la sincérité en prononçant cette parole, et kadhalik s'éloigner de tout ce qui annule hadhi al-kalima. تستفيد هذا من الحديث الثاني لا يشرك بالله شيئا. فpour profiter de shafa'a il faut forcément dire la ilaha illallah, aimer cette parole sincèrement ila akhir, la mettre en application et كذلك s'écarter de tout ce qui annule cette kalima. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Et dans le deuxième hadith, من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فلا بد من هذين الأمرين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله التوحيد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الاقتضاء كلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة. Plus الإنسان il est sincère ولا يريد بعمله غير الله سبحانه وتعالى et il s'écarte de l'ostentation du shirk al-akbar wal-asghar. Plus l'insan fait des efforts via d'albab, plus inshallah ta'ala yawm al-qiyamah il fera partie de ceux qui profiteront de cette shafa'a. Wa amma man 'allaqa qalbahu bi ahadin min al-makhluqin yarjuhu wa yakhafuhu fa hadha min ab'ad an-nas 'an ash-shafa'a. Amma ceux qui espèrent, qui craignent certaines créatures, 'iyadan billah, qui adorent certaines créatures, qui demande une chose qui ne peut être demandée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala fil haqiqa, il la demande à une créature, à un mort. Fa'a'ula, c'est les personnes les plus éloignées de shafa'a. Iyadam billah. Et la yakhfa alaykum, l'étude qu'on a fait, walillahi alhamd, ensemble de kitab tawhid, de kashf al-shubuhat, anna ha'ula al-mushrikine se sont égarés. Et parmi leur la principale cause, ils ont demandé cette shafa'a à autre qu'Allah. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فعياذا بالله, à cause de leur shirk, la chose qu'ils espéraient le plus, la shafa'a, ils l'auront pas يوم القيامة. لماذا؟ لأن pour profiter de cette shafa'a, de l'intercession, que ce soit du prophète, que ce soit des anges, que ce soit des croyants, que ce soit du Coran. فَلَا بُدْ مِنْ هَذَا الْأَمْرَ الْعَظِيمِ التَّوْحِيدِ. لَا بُدْ. Amma celui qui espère cette shafa'a et il délaisse la voix du prophète, il délaisse هذا التوحيد العظيم, أي adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, il ne fait que s'éloigner de cette shafa'a. قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا حال الكفار المشركين. أن يوم القيامة tous les êtres humains ils espéreront شفاعة, لأن même si l'être humain il a eu des faiblesses, des manquements, يوم القيامة il restera cet espoir, الشفاعة, l'intercession, Que ce soit des anges, que ce soit de tes enfants, que ce soit de tes proches, que ce soit des croyants, que ce soit du prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit du Coran. Fallah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, bayyana anna cet espoir qui reste yawm al-qiyamah, le kafir il l'aura pas. Et al-shafa'a lui sera d'aucune utilité. Wa ta'ammal hadha al-mithal. Cet exemple que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a rapporté, hadith Abi Hurayra. رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر إبراهيم عليه الصلاة والسلام le prophète, le messager Khalilullah subhanahu wa ta'ala il rencontrera son père Azar Azar c'est le nom de son père يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة لماذا؟ لأنه il est mort على الكفر كما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم dans plusieurs versets أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام il a appelé son père à l'imam à obéir et son père il a refusé وكفر عيدا بالله il est mort على هذا الحال فيوم القيامة إبراهيم il rencontrera son père على هذا الحال فيقول له إبراهيم إبراهيم il dira à son père ألم أقول لك لا تعصني Hey, je t'avais dit, fit Dunya, et avant de mourir, ne me désobéis pas. Alam akulak la ta'asini, fayakul abu, son père y répondra, falyoma la a'asik. Et ça sera hal jami' al-kuffar. Wa anta akhil karim, tastavid min hada min fa'ida azima, tu retires une leçon bénéfique pour toi. Elle n'a qu'à faire des efforts avant de mourir. Les anna après la mort, pour le kafir, les regrets, ça sera d'aucune utilité. À ce moment, quand Ibrahim il rencontrera son père, yawm al-qiyamah, son père il sera prêt à le suivre. Il aura vu l'adab, il aura goûté l'adab, il a été châtié dans sa tombe, il a arrêté. Enfin, à partir de ce moment, il espérera, et sa volonté, ça sera de suivre son fils, Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Faliyawm la asik. وهكذا جميع الكفار يوم القيامة ils espéreront pouvoir obéir se rattraper إلى آخره لكن لا ينفع سنة الله سبحانه وتعالى أنه من مات على الكفر il rentrera في النار et il n'a pas de moyen de se rattraper لماذا لأن الله عز وجل رحيم كريم il a envoyé à هؤلاء الكفار à chaque peuple un messager un prophète حتى تقوم الحجة على الجميع حتى personne n'a d'excuse هؤلاء si tu prends l'exemple de, du père d'Ibrahim il a combattu son fils il s'est mis avec les kuffars contre son fils il n'a pas voulu écouter son fils il lui a montré بالتي هي أحسن يا أبتي كما في سورة مريم tous les versets أنه ينصح أبا برفق et il lui a montré le حق malgré cela il a refusé فالسنة الله سبحانه وتعالى celui qui meurt على الكفر Il peut plus se rattraper. Ayyadan billah. Fayaqul abu, falyawma la asik. Aujourd'hui, je ne te désobéis pas. Fayaqul Ibrahim, ya Rabb, innaka wa'adtani an la tukhzini yawma yu'athun, fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Ibrahim, alayhi salatu salam, il fera cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour son père. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين الله سبحانه وتعالى إلى أن تغدي الجنة على الكفار تستفيد من هذا أن يوم القيامة يدو دمار فقط إما الجنة إما النار celui dont الجنة دار الرحمة والكرامة عيادا بالله cette demeure pour celui à qui elle sera interdite il restera l'autre demeure Pas d'autre choix. فلهذا قال عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين. الجنة c'est interdit pour les kuffars. Même les parents, même le père d'Ibrahim, même les parents des prophètes, et ceux qui n'ont pas cru, ou leurs enfants s'ils n'ont pas cru, ou leurs proches. Ça nous montre أن الإيمان et الشفاعة c'est pas lié avec les liens de sang. Ou les connaissances, comme fit Dunya. Fi dunya al-shafa'a, c'est beaucoup avec les connaissances. Celui qui a des connaissances, il peut profiter de al-shafa'a fi dunya. À une intercession qui est liée avec dunya. Pour un poste, ou pour repousser un mal, ou pour gagner quelque chose. Fi dunya, en général, ça marche comme ça, avec les connaissances. Yawm al-qiyama la. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala قال حرمت الجنة على الكافرين. Ça nous montre هذا أن الشفاعة لي avec l'iman. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Vu que le père d'Ibrahim il est mort على الكفر, فالله سبحانه وتعالى il lui a interdit الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم يقال يا إبراهيم. ثم إبراهيم il lui sera dit ما تحت رجليك أي regarde sous tes pieds فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار ثم il verra son père يدا بالله على هذه السورة القبيحة et son père il sera jeté dans le feu. الحديث il est في صحيح البخاري. فالشفاعة لا تنفع الكافر المشرك يوم القيامة أبدا. Ça nous montre l'importance de faire des efforts fi tawhid. Ça nous montre l'importance كذلك de mettre en garde nos proches et avant tout nous-mêmes de faire attention à هذا الشرك الأكبر. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Allah il lui interdit le paradis. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il interdit le paradis, forcément il ne profitera pas de al-shafa'a. Comme on a vu dans hadith le père, l'histoire du père d'Ibrahim. Inni haramtu al-janna 'ala al-kafirin. Al-janna 'alayhim haram, ay ils rentreront jamais. فهي خاصة بالمؤمنين هذه الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل كبائر من أمتي لأهل كبائر أو الكبائر من أمتي أي الشفاعة elle est réservée pour ceux qui ont fait des grands péchés parmi cette أمة. أما autre que المؤمنين الموحدين ils profiteront pas de الشفاعة أبدا. Et on répétera pas هنا أن عقيدة أهل السنة أن même ceux qui font des grands péchés et ils meurent, فالله سبحانه وتعالى il peut leur pardonner et ils rentrent fil jannah directement sans rentrer fil nar et ils sortent avec l'intercession autre. هذه عقيدة أهل السنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et certains mu'minoun, Allah il leur pardonnera pas certains péchés, ils seront châtiés fil nar, lakin tant que ça reste, tant qu'ils sont morts à l'iman wa tawhid, forcément ils sortiront fil nar. إما بشفاعة الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنين أو برحمة الله عز وجل. Ça c'est le résumé de عقيدة أهل السنة qu'on détaillera pas هنا. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار. أي certains de cette communauté من أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أي des croyants ils rentreront النار avec أهل النار. أهل النار c'est les كفار من يهود ونصارى ومشركين tous ceux qui sont morts على غير ملة الإسلام. Certains croyants ils rentreront avec هؤلاء فيقول أهل النار أي الكفار. Qu'est-ce qu'ils diront quand ils verront certains croyants qui rentreront avec eux dans النار. ما أغنى عنكم ما كنتم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل ولا تشركون به شيئا. تستفيد deux choses من هذا. أن الكافر إلى الشماتة même quand il sera في النار. أنهم كأنهم ils se moqueront de certains croyants. Malgré les efforts que vous avez fait, vous avez adoré Allah, vous n'avez pas fait de shit, vous êtes en enfer avec nous. هكذا الكفار ومن تشبه بهم. أنهم quand ils voient un mu'min أنه il est en difficulté أو يسبي une épreuve, فكثير من الناس يقولون مثل هذا الكلام. Malgré que tu fais kada, toi aussi tu subis les mêmes choses que nous. أي كأنهم les efforts qu'ils ont fait في الدنيا c'est d'aucune utilité. لكن الله سبحانه وتعالى عليم ورحيم. يا الله سبحانه وتعالى يكون la situation de هؤلاء. كذلك تستفيد من هذا أن حتى هؤلاء الكفار ils ont compris c'est quoi la cause pour être sauvé min al-nar. C'est pour ça que ils ont dit à ces croyants, malgré que vous avez appliqué la cause, kuntum ta'budun Allah, wa la tushrikuna bihi shay'an, malgré cela vous êtes finnar. Ça, ça nous montre anna la cause pour être sauvé du feu, c'est ibadatullah, azza wa jal wahda, et s'écarter du shirk. Lakin, ça ne veut pas dire que celui qui est mort à la tawhid, il ne rentrera pas en enfer. Là, ça veut dire qu'il ne sera pas éternellement en enfer. Mais certains croyants, malgré leur tawhid, à cause de leur péché, iyadan billah, ils passeront par l'enfer. Thumma, qala alayhi salatu salam, fayaqul al-jabbar azza wa jal, fabi'izzati la'u'tiqannahum minan nar. Quand ces kuffars, ils diront à certains croyants, malgré vos efforts, votre adoration, vous êtes quand même avec nous fin nar, Allah subhanahu wa ta'ala, al-jabbar, il dira, fabi'izzati, la u'tiqannahum minan nar. Je les sortirai minan nar. Ça, c'est min nusratillahi azza wa jal lil mu'minin. Anna ha'oula, malgré leur manquement, leur faiblesse qu'ils ont eu, fi hada al-hal, ils seront dans cette difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala, il les secourra et il les sauvera. فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في نهر الحياة كما جاء في الحديث. Ils sortiront من النار et ils seront brûlés et ils seront trempés dans ce fleuve et كما جاء في الحديث. فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل. Ils pousseront comme la graine qui pousse après avoir été arrosée. قال ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل. Et il sera inscrit entre leurs yeux هؤلاء, et ceux qui ont fait un passage فينا, أن هؤلاء عتقاء الرحمن. هؤلاء c'est Allah سبحانه وتعالى qui les a sauvés. قال فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون. أهل الجنة, quand ils verront هؤلاء, ils les appelleront al-jahannamiyoun, ça vient de jahannam. Et haoula qui ont fait un passage fi jahannam. Fayaqulu al-jabbar azza wa jal, bal haoula utaqa'ul jabbar azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala dira, bel, plutôt haoula, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a sauvé. Tous ces hadiths qu'on lit, si on ne cite pas les références ahyanan, fa'alam, أن تسي أحاديث الإمام الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله il les a cités dans son livre الشفاعة. فالتوحيد c'est un سبب عظيم pour profiter de cette شفاعة. التوحيد c'est un سبب عظيم, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul pour ne pas demeurer éternellement en enfer. فالعناية به كذلك العناية بالأقارب كم من الناس, ils ont des proches, ils sacrifient pour les morts, ils vont voir les sorciers, ils placent leur confiance en autre qu'Allah Azza wa Jal, ils espèrent des choses, certains morts, ils espèrent qu'ils leur donneront des enfants ou de l'argent ou ils leur faciliteront leur mariage ou leurs affaires, et tout ça c'est min ash-shirk billah. Donc cette communauté, chaque mu'min, il doit faire des efforts fi hadha al-bab. Nous, quand on fait cette étude ensemble, marahil al-akhira, les étapes de l'au-delà, c'est pas comme ils font ahlul bid'a wa dhalal, lianna hatta hum, ils étudient ou ils enseignent ce genre de sujet, les étapes de l'au-delà. Lakin nous, en tant que ahl sunnah, en tant que ahlul haqq wa lillahi al-hamd, on doit tirer des leçons bénéfiques et surtout comprendre comment être sauvé, comment traverser ces étapes bisalam et arriver à la demeure ultime bisalam al-jannah. Enfin, le seul moyen c'est le tawhid et s'écarter du shirk. Tout ce qui vient après les ibadat, kas-salat was-siyam wal-hajj al-akhir, ou al-akhlaq, les bons comportements, ou le mu'amalat, tout ça ça vient après. Si la base elle est pas bonne, si la base elle est contredite par son contraire, at-tawhid il est contredit par du shirk akbar, enfin toutes les ibadat c'est d'aucune utilité. Fala shafa'a wala janna wala rahma wala shay. Al mushrik il profitera en rien de l'intercession ou du paradis ou de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fal inayatu bihadha. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts pour apprendre à le tawhid, le comprendre et bien sûr, le propager et le mettre en application. On peut citer كذلك من أسباب الشفاعة العناية بالقرآن العظيم. Donner de l'importance à هذا القرآن. Que ce soit la lecture, que ce soit la mémorisation, bien sûr, la mise en application, la propagation. فجاء في حديث أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث إلى في صحيح مسلم. Lisez le Coran, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا. يوم القيامة القرآن كذلك il fera الشفاعة pour ceux qui lui ont donné de l'importance. Il intercédera en leur faveur. الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلى expliqué هذا الحديث فقال القرآن يشفع لمن قرأه وعمل به. Ça suffit pas une simple lecture. Ou l'accrocher sur les murs. Ou l'accrocher autour des coups des enfants. Ça suffit pas. Bel, c'est pas مشروع, c'est une innovation, c'est d'aucune utilité. Ça serait utile, le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous l'aurait enseigné. فالقرآن العناية به بقراءته بتأمل بتدبر العمل به c'est le lire, se concentrer, comprendre, faire des efforts. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu dire par ce verset? C'est quoi le sens? كذلك une mise en application. كذلك le propager إلى آخره. فلهذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله لمن قرأه وعمل به كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. Al-Qur'an, imma c'est pour toi, imma c'est contre toi. Enfin, il intercédera pour ceux qui l'ont mis en application, qu'ils ont essayé de comprendre les sens, il a akhiré. Au minimum, on fait des efforts. Même si peut-être qu'on n'arrivera pas à tout comprendre, tous les versets, il a akhiré. Lakin, au moins, l'insan, il a cette motivation, il a cette volonté. Et s'il est conseillé, il écoute. Il m'a accroché le Qur'an. Il m'a sur les murs de la maison, il m'a sur la voiture, il m'a autre. Et se rassurer avec هذا ثم خالف ce Coran nuit et jour, le contredire, ne pas l'appliquer, ne pas écouter les conseils de ceux qui l'appliquent, فهذا لا ينفع. Le Coran il intercédera pour ceux qui lui ont donné de la valeur في الدنيا. Ils profiteront inshallah يوم القيامة. من أسباب الشفاعة كذلك سكن المدينة والموت فيها. Habiter à Médine et mourir à Médine, c'est parmi les causes de al-shafa'a. Comme le hadith Abi Sa'id radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشفع لمن يموت بها. الحديث رواه الإمام البيهقي أو الإمام الترمذي plutôt رحمه الله وذكره الشيخ مقبل عليه رحمة الله في كتاب الشفاعة. Et dans l'autre verset ou dans l'autre hadith, لا يصبر أحد على لوائها. أي قال الإمام النووي الشدة والجوع. Celui qui patiente في المدينة على الشدة والجوع إلى آخره sur certains inconvénients, فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. الحديث إلى في صحيح مسلم. على كل حال habiter à Médine et mourir à Médine c'est parmi les causes de الشفاعه. كذلك الدعاء بعد الاذان والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم c'est من اسباب الشفاعه كما في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع الاذان او النداء اي بعد الاذان comme dans une autre روايه celui qui dit après avoir écouté l'adhan اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحقيقة on a du نقص في هذا الدعاء أي dans l'application. لأن الأذان ولله الحمد ceux qui vivent dans un pays musulman ils l'entendent 5 fois par jour. الحقيقة tu as 5 possibilités. فرص عظيمة 5 fois dans la journée pour pouvoir faire partie de ceux qui recevront l'intercession du prophète عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. Dire هذا الدعاء après chaque adhan il est très court. كذلك كثرة السجود أي se prosterner souvent. قال عليه الصلاة والسلام أو جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وذكره الشيخ مقبل في كتاب الشفاعة عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة. تعلمون أن بعض الشباب يسوكيبي دو بروفيت عليه الصلاة والسلام كأنس رضي الله تعالى عنه ودوتر. فمن هؤلاء خادم il a rapporté un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait souvent alaka haja, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ça fait partie du bon comportement. Hatta ma'al khadim. Qala radiyallahu anhu hatta kana dhata yawm fa qala ya rasulallah hajati. Un jour, hada al khadim, ce jeune qui s'occupait du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui réchauffait l'eau, lui emmenait son eau, tout ce qu'il avait besoin, il a akhiré. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hajati, j'ai besoin de quelque chose. Faqala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma tu as besoin de quoi? Qala hajati an tashfa' li yawm al-qiyamah. Ta'ammalu hadha al-hadith. Anna hadha al-shab, il aurait pu demander des dizaines de choses, des centaines de choses. Lakin, cette demande qu'il a fait au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a pensé à hadhihi al-shafa' al-azima. Il n'a pas demandé autre chose. Ça nous montre que ha'oula radiyallahu anhum, leur préoccupation c'était hada. Comment réussir yawm al-qiyam? Comment faire partie de ceux qui profiteront de l'intercession yawm al-qiyam? On fait attention à ne pas penser qu'à dunya. Penser qu'aux choses liées à l'argent, à notre ventre, à nos poches. Là, hada, ça disparaîtra, ça dure pas. Pense et demande à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui durent. Des choses qui seront la cause, inshallah, que tu sois sauvé yawm al-qiyam. Hajati an tashfa' li yawm al-qiyam. Et j'ai besoin que tu fasses intercession pour moi yawm al-qiyam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'a'inni bi kathrati sujud. Et aide-moi, et fais des efforts, fais des causes kadhalik. Ça nous montre an al-insan, quand tu fais un dua, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala une chose, tu fais كذلك des efforts. Amma on fait dua une fois et thumma on fait plus d'efforts. Fahada, ça montre un manque de sincérité. Ça montre des faiblesses في الدين. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني بكثرة السجود. Et aide-moi pour que ta demande soit exaucée. Fais beaucoup de sujoud. Et asbab أخرى. الإمام الشيخ مقبل رحمة الله عليه ذكرها في كتابه النفيس الشفاعة. Dans son livre الشفاعة, il a cité un chapitre sur les causes et comment faire partie de ceux qui profiteront de l'intercession le jour du jugement. وكذلك من يرجو الشفاعة يوم القيامة فليتأمل هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذا يوم القيامة. Certains croyants, ils rentreront في الجنة et في الجنة ils seront élevés à un certain degré, à un degré الحقيقة qu'ils n'ont pas pu atteindre avec leurs œuvres. فهؤلاء demanderont يا رب أنى لي هذا. Et pourquoi j'ai atteint ce niveau, ce degré? فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ. تستفيد من هذا الحديث أولا أن الشفاعة c'est pas que pour écarter un mal, repousser un mal, مثلا sortir من النار. لا, الشفاعة c'est في جلب منفعة أو دفع مضرة كما عرفها العلماء. Et tu as un exemple هنا في جلب المنفعة. أي شفاعة cet enfant, son dua, c'est comme une intercession pour que son père, et كذلك ça englobe la mère bien sûr, un de ses parents, il soit élevé في الجنة. هذا أولا. ثانيا تأمل قوله باستغفار ولدك لك. هذا الولد il a pensé à faire الدعاء pour son père. Et في الحقيقة هذا الولد s'il a fait الدعاء pour son père, c'est qu'il y a une certaine éducation derrière. Et كذلك التوفيق c'est من الله. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه l'imam Al-Albani rahimahullah. Donc on peut tirer de ce hadith al-inayatu bi ad-du'a lil-walidayn. On n'oublie pas, ils ont un haq azim sur nous. Et on n'attend pas qu'ils soient morts. Si tes parents ils sont encore vivants, fad'u lahum. An Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqahum, même si c'est des koufars. Même si tu es éprouvé et tes parents c'est pas des musulmans, ne les oublie pas fait du'a. Bel, dans ton cas, akhil karim, si tes parents c'est pas des musulmans, enfin tu peux leur faire du'a que s'ils sont vivants. S'ils meurent à l'alcool, fait du'a, ça sert plus à rien. Et c'est interdit d'invoquer en leur faveur s'ils meurent sur la mécréance. Si tu as tes parents, ils sont encore vivants, ne les oublie pas, fi du'a, et qu'ils ont un haq azim sur toi, même si c'est pas des musulmans. Même si c'est pas des musulmans, enfin, ils t'ont élevé, ils ont fait certains sacrifices, même s'ils ont eu des manquements, ne les oublie pas, ça reste tes parents. Et si c'est des musulmans, fa akthar. Et si un musulman, il a perdu ses parents ou un de ses parents, fa kadhalik, il leur fait un du'a. Du'a bil rahma, bil maghfira, kadhalik bil raf'i darajat. Tout ça. Mais idnillahi azza wa jal, ils profiteront de ce dua et ils sont dans leur tombe. Et yawm al-qiyama, et même fil jannah, comme a dit le hadith, le père ou la mère, ils profiteront du dua de leur enfant. Lakin, pas n'importe quel enfant. Al-walad al-salih. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, fi al-wasiyyati al-sughra, wa la yazal الولد الصالح يستغفر لأبيه حتى يغفر له ثم ترفع درجته في الجنة. تأمل قوله لا يزال. Ça c'est parmi les caractéristiques de l'enfant pieux. أنه il n'oublie pas ses parents. Et il n'oublie pas العلماء. Il n'oublie pas les gouverneurs. Il n'oublie pas ses frères. Il n'oublie pas ses amis. Bien sûr, il n'oublie pas son nefs. لكن كما جاء في الحديث et comme الإمام ابن تيمية رحمه الله أفاد هنا. Et il a dit, وَلَا يَزَالَ أَلْوَلَدْ أَصَّالِحِ. Ce n'est pas n'importe quel enfant. أَلْوَلَدْ أَصَّالِحِ. فَنَسْتَفِيدْ مِنْ هَذَا أَهَمِّيَةُ وَتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ. Certains parents, pourquoi leurs enfants ne font pas de du'a? En fait, c'est eux les responsables. Et eux, ils n'ont jamais éduqué cet enfant pour qu'il puisse profiter de cet enfant, de leur vivant et après leur mort. Ta'lamou, on a certains parents, wallahi, eux, ils ne profitent pas de leurs enfants, leur fille de dunya, ou la vie. Et ils ne les aident pas financièrement ou physiquement dans tout ce qui est dunya. Et kadhalik, ils ne font pas de dua et ils ne leur enseignent pas de dîn. Ils ne profitent en rien d'eux. L'imada. Il y a cet enfant, Obama, il n'a pas été éduqué. Cet enfant, Obama, il suit, iyadam billah, ses shahawats, ses passions. Et il ne pense plus qu'à son ventre et à ses poches. Iyadam billah. Enfin, est-ce que cet enfant, il va penser à ses parents? Abdan. Bel, Obama, yansa nafsa. Il n'applique pas de dîn, il ne fait pas de du'a pour lui-même. Comment il va faire de du'a pour les autres, pour ses parents? La solution, ce n'est pas de donner les téléphones aux enfants. La solution, ce n'est pas, de placer tes enfants chez les koufars. Les koufars, ils n'apprendront jamais à ton enfant. Ils lui mettront des doutes sur ce point. Robama est grandi, il a des doutes. Comment il va demander une chose? Il n'est pas sûr. Ses enfants, c'est une amana azima. Et en fait, c'est une force. Celui qui fait des efforts, qui patiente, fait avec Ibnillah Azza wa Jal, cet enfant, s'il est éduqué, à la sunnah, à la Quran, à l'islam, ce père et cette mère, ils profiteront de lui, et fit dunya, ou l'akhira. Et s'ils ont fait des efforts et cet enfant, il s'écarte, enfin, au moins, ils n'ont pas la responsabilité de son égarement, indallah Azza wa Jal. Wa aydan, من ابتلي بموت ولده فليصبر كذلك celui qui perd un enfant فليصبر لماذا لان هنا حديث عظيم حديث ابي حسان قال قلت لي ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قد مات لابنه فما انت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو حسان il a demandé à ابو هريره رضي الله عنه un hadith اي est-ce qu'il a entendu une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ceux qui ont perdu un enfant ou plusieurs enfants. Qala bi hadith tutayyibu bihi anfusana an mawtana. Na'am, Hassan il a voulu entendre un hadith qui le rassure, qui lui donne de l'espoir concernant la mort de ses enfants. Fa qala radiyallahu ta'ala an ay Abu Hurayra. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. صغارهم دعاميس الجنة d'amis, ay sighar ahliha, ay les enfants qui sont morts en bas âge fi ad-dunya, كذلك ils seront petits fi al-jannah. قال يتلقى احدهم اباه او قال ابواه فياخذ بثوبه او قال بيده فلا يتناهى او قال فلا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنه. Cet enfant, il attendra ses parents devant le Jannah, devant les portes. Thumma, il intercédera et il prendra son père ou sa mère par les mains et il les fera rentrer bi'idnillahi azza wa jal fil Jannah. Celui qui a été éprouvé par la perte d'un enfant, fal yasbir wal yahtasib. Amma, l'excès de remords et de tristesse et les reproches, ayyadan billah, pourquoi, mais il a akhiri, ne pas accepter le destin, ça change rien. L'enfant, il est parti, il reviendra jamais. Enfin, pour le père et la mère, dans cette épreuve qu'ils subissent, sur le haqiqa, il y a un profit à tirer. Un à ton enfant, n'ai aucun doute, anahu, si tu fais des efforts et tu meurs à l'imam, tu le reverras. Et n'ai aucun doute, anahu, ça peut être une cause qu'il intercède pour toi et tu rentres avec lui, fil jannah, pour l'éternité. Un malba, vu qu'ils ont des faiblesses dans l'imam, ils perdent leurs enfants, qu'anahum, ils ne vont jamais les revoir. Ka'annahum, c'est un mal. Ka'annahum, il y a qu'eux qui ont été touchés par cette épreuve. Les malades à cause de la faiblesse dans le din. Wa nassallah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Wa hunak shafa'atun azima. Et on conclut avec hada. Et elle est khassa bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on en a déjà parlé kathiran. Wa hiya annahu sallallahu alayhi wa sallam yashfa' li ahli al-jannah an yadkhulu al-jannah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fera al-shafa'a pour que les croyants y rentrent fil jannah. Et personne ne rentrera avant cette shafa'a. Fi sahih Muslim, rahimahullah, an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ati bab al-jannah yawm al-qiyamah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se présentera devant les portes du paradis yawm al-qiyamah. Fa astaftih, il demandera l'autorisation pour que les portes elles s'ouvrent. Fa yaqul al-khazin, le gardien du paradis. Il dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ant, qui es-tu? Fayaqul alayhi salatu salam, Muhammadun. Fayaqul, bika umirtu, la aftah li ahadin qablak. Bika umirtu, la aftah li ahadin qablak. Il dira, on m'a ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. Et avant le prophète Muhammad alayhi salatu salam. Ou fil hadith al-akhar, hadith Anas fi sahihain, qala alayhi salatu salam, thumma ukhrijuhum minan nar, wa utkhiluhum Al-Jannah. Et Inch'Allah, ça sera le cours suivant dans cette série sur les étapes de l'au-delà. La demeure Al-Jannah et Nar. Il reste deux cours. Le prochain cours, on fera Imma fil Jannah, Imma fil Nar. Ala kulli hal, il reste à traiter ma yata'allaq bi ad-dari. Aïe. Al-Jannah, le paradis et ses délices, et An-Nar, et Iyadan Billah, les châtiments. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yushafi'a fina nabiyahu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa nas'aluhu azza wa jalla an yataqabbal minna a'malana, wa an yatawaffana ala al-islami wa sunnah, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Le prochain dars, Inch'Allah, on reprend mardi, la suite de l'étude Al-Qa'id Al-Mutla et le deuxième dars fi Sharh Riyad As-Salihin.